je t'emmène découvrir la vie. Loin de tes chaînes, tu y verras la liberté de t'exprimer, de chanter, de danser, de pouvoir crier. Rayé de la carte, c'est mes espaces et la tête de ton boss. Capable du meilleur, tu as de quoi t'épanouir. Écoute les battements de ton cœur pour connaître le rythme à suivre. Métro, boulot, dodo, ne me dis pas que ça t'enchante. Sors ce que tu as dans le ventre, dans le ventre. Ma liberté, je l'aime à en mourir. Pour le meilleur et pour le pire, j'ai besoin de changer d'air pour crier ma joie de vivre. Ma liberté, je l'aime à en mourir. Pour le meilleur et pour le pire, j'ai besoin de changer d'air pour crier ma joie de vivre. Ma routine avec dans le sac de droits affaires et des vieilles broutilles. L'avenir a des choses à revendre et moi je suis là pour les prendre. J'en ai assez de subir leurs reproches. La tête hors de l'eau peut déliquider le nom de mes poches. Je suis attaché à aucun système, aucune règle à part ceux à qui je dis je t'aime. Oui, oui, oui, oui, nous pouvons y croire. Oui, oui, oui, oui, une lueur d'espoir chez moi, il brille même dans le noir. Ma liberté, je l'aime à en mourir. Pour le meilleur et pour le pire, j'ai besoin de changer d'air pour crier ma joie de vivre. Ma liberté, je l'aime à en mourir. Pour le meilleur et pour le pire, j'ai besoin de changer d'air pour crier ma joie de vivre. Ma liberté, je l'aime à en mourir. Pour le meilleur et pour le pire, j'ai besoin de changer d'air. Ma liberté, je l'aime à en mourir. Pour le meilleur et pour le pire, j'ai besoin de changer d'air pour crier ma joie de vivre.